Ça fait mal, des balles, des rimes qui en balle. Nous voulons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. Mal, des balles, des rimes qui en balle. Nous voulons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. J'attaque, mec, je retourne la planète. Ça pète dans ma tête, le bonheur c'est ma quête. On trouve les bêtes. Ça fait mal, mec, en grandissant j'ai appris que l'homme était pourri. Je respecte mes oreilles qu'aux gens qui le valent pas. Moi-même je ne peux pas dire quoi, pourquoi. Tant et moi nous sommes comme isolés. Nos têtes anesthésiées, nos yeux portent des œillères. On nous tient en vie solaire grâce à une belle vapeur. Tout le monde a peur et on se tire dessus. On n'est jamais déçu, ça train voudrait reculer. Ça a bon effet la source, c'est vraiment la récréation. Consommons, consommons jusqu'à péter un plomb. Possessons, concessons, freine les possessions. Poissons, poissons, on s'entra tous du balcon. Créons, créons, peut-être qu'on nous entendra. Des balles, des rimes qui en balles. Nous brûlons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. Des balles, des rimes qui en balles. Brûlons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. Ça fait mal comme Jésus, tu t'emballes. Ça fait mal, tu suces. Eh hey, t'en parles, t'attaques les petits connards, j't'attaque, tu te barres. Si tout le monde est heureux, viens pas, t'es trop heureux. On a mal mais on est preux, ça défouraille chez les lépreux. On n'est pas dans la même situation, dans la forêt une élévation. Dans la jungle, loin des maisons, près des immeubles, la station. Loin de la PlayStation, même en jungle, en jiggle, on envoie le son. T'es beau, t'organises des concerts, des orgies, des gros trucs. Ton père au placé, t'es servi, tu peux te la jouer duc. Viens pas m'agacer du con, tu sais vite, t'es à l'aise, tu pèses. T'as une belle gueule, tu peux même pas la baiser à cause de ses parents. Y'a que ça qui t'intéresse avant tout, n'oublie jamais qu'il prend ton bout. Je pars de l'avant, par l'arrière, par l'avant de partout. Tout va bien dans ta vie, manque de beau, tu tombes sur un truc comme moi. D'Abidjan à Paris, j'ai plein de potes bourgeois, mais certainement pas toi. Moi je me bouge, je claque pas des doigts. Des rimes qui en balle. Nous brûlons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. Mal, des balles, des rimes qui en balle. Nous brûlons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. J'étais tout serveuse, j'étais en tombeuse. J'éteins de l'univers, j'éteins la lumière. T'inquiète pas, je m'attraque, j'attaque les coups de matraque. J't'attaque et t'attrape, t'attaque tes poitraques. J'attaque, embrume l'atmosphère, je retourne le climat. Été comme hiver, j'attaque sur ta meuf de ta sphère. J'attaque nos bugles verts, j'attaque rempli l'univers. J'attaque les têtes du verre, j't'attaque jusqu'aux ovaires. J'attaque, crame les papiers n'ont plus leurs papiers. Les fiches volent, j'attaque, je frivole. J'attaque, je frise, je vole. J'attaque la haine, crame les gondoles. J'attaque tes coups de drôle dans la face de la planète Terre. J'attaque les bulles que tu gobles. J'attaque la classe en sarco-lunaire. J'attaque international, universel. Jusqu'à la plus petite flicaille, jusqu'à la plus petite étincelle. Un retail, je trouve ça drôle. J'attaque pour tout le monde, des retails au Mongol. Ça fait mal, des balles, des rimes qui en balles. Brûlons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. Mal, des balles, des rimes qui en balles. Nous brûlons l'empire avant que ça empire. Avant de tomber martyr, j'ai trois mots à vous dire. Ça fait mal, ça fait mal, dire à vous de partir. Jamais seul, jamais seul. Jamais seul, jamais seul. Jamais seul, jamais seul. Jamais seul. Jump, sol, jump, sol, jump, sol, jump, sol.